croiser le fer, croiser mon frère. La Ivy, si c'est tout sauf une croisière. Je suis arrivé de ces croisements où ils ne croivent que ceux qui mentent. C'est gentiment qui veulent te la mettre. Ceux qui jalousent les gens qui montent et rient de ceux qui tombent. C'est pas ces quelques lignes qui vont refaire le monde. D'où la bizarrerie de leur mode. Ce sont ces Majin Lee, l'air à plein de talent comme le petit Majin. Et la conviction des gens dans le gym. Ici les héros crèvent dans un monde où l'artifice fait que tu glisses vite. Et parfois j'y comprends rien comme si c'était inscrit en hiéroglyphe. Sur une feuille blanche c'est tout un mal de vie que je griffe. Y'en a qui peinent pour que d'autres s'engraissent. Les dents grincent comme les portes d'un domaine. Demande au kafir, je ressens le malheur du monde comme si j'étais John Coffey. J'ai un micro et je le confie. Toujours à deux doigts de l'échec même si d'apparence je parais confiant et cohérent. J'ai toujours été dans la constante d'une vie, on déçoit nos rangs. Bienvenue dans l'entre des rues où ceux qui n'ont rien envie et pilotent. Un volant entre les doigts et la pomme et tout le monde ne sera pas pilote. Alors on met des poutres seuls dans des pilons. Puis ça cotise des putes et des bouteilles entre potes. Parce qu'au final le tout nous fait dire qu'il n'y a pas grand chose à faire entre autres. Je parle de ceux qui rentrent en titubant de temps en temps. Ceux qui tuent le temps avant que le temps les tue. Ceux qui ont oublié que si de toi-même tu les prends pas, personne te les tend les thunes. Personne va t'apprendre que les temps sont durs et que les tensions durent. Qu'à cette allure on va droit dans le mur. Quand on apprend à nager dans la merde, dans la mienne. J'en ai fait des sons qui deviendront des pavés dans la mare. Aucune rue n'est pavée d'or. Moi j'ai pris le rap à bras le corps et je le braille fort. Dans cet océan c'est ma seule bouée. L'artisanat d'un pas mal qui va les secouer. Il ressent la dureté des jeunes déjà usés. Même les plus rusés souhaitent le chômage de longue durée. On a fini d'obtempérer, les esprits sont bouillants malgré la froideur de la température. Tu la sens traverser tes tympans quand ton père a dur. Fier, toujours prêt à croiser le fer, croiser mon frère. La Ivy si c'est tout sauf une croisière. Je suis arrivé de ces croisements où ils ne croivent que ceux qui mentent. C'est gentiment qui veulent te la mettre. Ceux qui jalousent les gens qui montent et rient de ceux qui tombent. C'est pas ces quelques lignes qui vont refaire le monde, d'où la bizarrerie de leur mode. Ce sont ces Majin Lee, l'air à plein de talent comme le petit Majin. Et la conviction des gens dans le gym. Mon pote Hasma il reste assis. Il faut leur dire que malgré le fait qu'on soit pas des enfants huppés ou des jeunes de l'aristocratie, on reste des gens fiers et des gens bien moins crades que les leurs dans leur fausse manière aussi. Dans la rue tu pousses au milieu des mécréants et des mecs errants, ceux qui foutent rien de leur vie parce que les rêves de faire du foot toute la zig se dissipent vite. C'est d'ici que je tire toutes ces rimes posées sur tous ces sons. Parce qu'il faut bien plus que de la chance pour réussir en restant intègre dans ces chansons. Et je les entends dire mais quand s'arrache-t-on. Ici c'est la merde, y'a que des racailles et des rastons.